Le ciel soudain s'assombrit. Éternelle nuit où plus rien ne brille. Et l'horizon ténébreux se reflète au fond de mes yeux. Est-ce la fin de l'histoire? Je voudrais encore y croire. Ai-je brisé son cœur à tout jamais? Mes amis, qu'ai-je fait aujourd'hui? Ai-je détruit pour la vie cet amour incandescent et cet homme qui m'aimait tant? Je suis prise dans la tempête, dans ces vents que rien n'arrête. Peut-être était-ce là mon destin. Je ne suis pas assez forte pour lutter dans le courant qui m'emporte. Et j'entends le ressac des vagues qui m'attaquent. Je lutte, je me débat, j'abandonne ce combat. Et l'ogre de la douleur, rassasié de applaudis quand je me meurs. Et mon prince charmant, pourra-t-il m'aimer comme avant? Saura-t-il effacer ces nuages sur nos destinées? Tel un conte de fées, viendra-t-il me sauver? J'aimerais tant qu'il vienne me chercher. Le ciel s'assombrit aux nuits infinies, plus rien n'a de sens sans lui. Je ne peux, hélas, que prier qu'il me pardonne, espérer. Je voudrais rembobiner les mauvais films qu'on a joués.